Today, I would like to talk about dukkha, suffering, because our yogis often experience dukkha, suffering. That's why I would like to talk about dukkha. Ce soir, je vais vous parler de dukkha, la souffrance ou l'insatisfaction. Vous pourriez vous demander pourquoi Sayadaw parle toujours de dukkha. Il ne parle presque jamais de sukha, la sensation agréable. En fait, le méditant va commencer par expérimenter dukkha, les sensations désagréables. Et ils doivent donc comprendre pourquoi il leur est demandé de noter dukkha. Avant de vous parler des trois types de dukkha, j'aimerais que les yogis répètent après moi en pali. Dukkha, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara, dukkha. Sankhara, dukkha. Dukkha, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara, dukkha. Sankhara, dukkha. Dukkha, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara dukkha. Sankhara dukkha. Would you please say three times? Dukkha dukkha. Dukkha dukkha. Viparinama dukkha. Viparinama dukkha. Sankhara dukkha. Sankhara dukkha. Dukkha dukkha. Viparinama dukkha. Sankhara dukkha. One more time. Dukkha dukkha. Viparinama dukkha, sankhara dukkha. Vous pourriez penser que le fait de répéter ces formules en pali ne vous permet pas de comprendre de quoi il s'agit. En réalité, vous avez déjà expérimenté ces trois types de dukkha. La première forme de dukkha, dukkha dukkha, peut être expérimentée même si on ne pratique pas vipassana. Les deux types de dukkha suivants, Viparinama dukkha et Sankhara dukkha, ne peuvent être comprises que par la pratique de la méditation vipassana. La première forme de souffrance est appelée en pali dukkha dukkha, ce que l'on traduit par souffrance intrinsèque. Ce type de souffrance, c'est tout simplement les douleurs que vous êtes susceptible d'expérimenter dans la vie de tous les jours. Imaginons par exemple que vous vous coupiez un doigt, ou que vous fouliez le pied. Tout ceci va entraîner des sensations douloureuses. C'est cela, dukkha dukkha, la souffrance intrinsèque. Il y a deux sortes de sati, deux sortes d'attention. La première, c'est l'attention ordinaire. Il n'est pas nécessaire de méditer pour avoir ce type d'attention. Mais ce type d'attention, l'attention ordinaire, ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le deuxième type de sati, c'est bhavanamaya, l'attention bhavanamaya, c'est l'attention qui se développe par la pratique de vipassana. Ce type d'attention permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement dans le corps et dans l'esprit. Pour développer votre attention, vous suivez les instructions du Bouddha. Au début de la pratique, vous essayez de vous en tenir exclusivement et très strictement à ces instructions. Quelles sont ces instructions ? Le Bouddha demande de garder le dos bien droit, de s'asseoir jambes croisées et de maintenir l'esprit sur l'objet primaire, c'est-à-dire l'abdomen. Au début de la pratique, vous ne ressentez pas encore de douleur dans le corps. La posture est confortable et vous expérimentez des sensations agréables. C'est Sukha Vedana. Vous allez donc travailler ainsi avec aditana, détermination. Vous allez vous efforcer de maintenir votre attention sur la posture. Vous observez attentivement les instructions, vous gardez les jambes croisées, vous gardez le dos bien droit et vous maintenez votre esprit le plus possible sur l'abdomen. Après quelque temps, à force d'observer ainsi très attentivement, vous allez tout doucement devenir conscient de sensations désagréable. Ces sensations désagréables vont se manifester par exemple dans le dos, au niveau des fesses, des genoux, des chevilles. Vous notez donc attentivement ces sensations désagréables, comme par exemple la dureté, l'engourdissement, les picotements. Vous notez donc très attentivement ces sensations désagréables. Vous ne changez pas de posture. Plus vous notez, mieux vous voyez la douleur. Que veut dire voir clairement la douleur? Voir clairement la douleur, c'est voir qu'elle s'intensifie. Elle s'intensifie progressivement. Mais vous essayez de la supporter patiemment, sans bouger. À ce stade, votre patience n'est cependant pas encore assez développée. Et la douleur devient si forte qu'elle fait naître dans votre esprit le désir de changer de posture. Vous allez alors noter « désir de changer de posture »,« désir de changer de posture ». Il peut arriver, chez certains yogis, que le simple fait de noter ce désir de changer de posture va avoir pour conséquence que la douleur va s'atténuer et finalement disparaître. Mais pour certains yogis, ce ne sera pas le cas. Leur attention n'est pas assez forte. Ils notent le désir de changer de posture, mais cette sensation désagréable ne s'atténue pas et elle ne disparaît pas. Elle reste très intense. Ces yogis vont alors changer de posture, mais avant de le faire, ils notent attentivement « changer de posture, changer de posture ». Le fait de changer de posture va faire disparaître la douleur et le corps va redevenir confortable. Ces yogis vont donc changer de posture lorsque la sensation douloureuse devient trop intense. Lorsqu'elle aura disparu, il recommence à noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen très attentivement. Le corps ne ressent pas de douleur. Mais après quelque temps, il y a de nouveau des sensations désagréables qui se manifestent quelque part dans le corps. Ces yogis recommencent à noter, et s'ils se montrent très déterminés, ils ne vont pas changer de posture. Au début donc, le méditant ne ressent pas fort la douleur. Les sensations sont agréables, c'est sukha. Ces sensations agréables vont progressivement se transformer en sensations désagréables, en dukkha. Ce type de souffrance est appelé viparinama dukkha, la souffrance qui provient du changement. Le pratiquant est donc quelqu'un qui sait que sukha, la sensation agréable, peut se transformer en dukkha, sensation désagréable, alors que la personne qui ne pratique pas n'en est pas consciente. Vous êtes donc, plus vous êtes attentif, plus vous voyez qu'il y a en vous toutes sortes de sensations désagréables. Lorsque ces sensations désagréables sont présentes, vous souffrez. Vous expérimentez la dureté, la pression, des sensations coupantes, des pulsations, toutes sortes de choses désagréables. Lorsque ces sensations vont devenir très intenses, vous aurez le désir de changer de posture. Vous êtes conscient de ce désir de changer de posture. Et lorsque vous aurez changé de posture, ces sensations désagréables auront disparu. Et les sensations agréables, le confort, va de nouveau se manifester. Le yogi voit donc que tout cela change constamment. Il voit clairement que les choses changent. Le non-pratiquant ne comprend pas, il ne comprend pas qu'il y a en lui toutes sortes de sensations désagréables. Il ne comprend pas, il ne voit pas, il n'est pas conscient du désir de changer de posture. Il n'est pas attentif, il ne détient pas Bhavana Maya. Il ne pratique pas la méditation. Et donc, lorsqu'il y a des sensations désagréables en lui, il change de posture, mais inconsciemment, sans attention. Les non-pratiquants ne comprennent donc pas le corps, ils ne comprennent pas que le corps est anicca, dukkha et anatta. Même les yogis, au début de la pratique, ne comprennent pas encore parfaitement ces trois caractéristiques. Mais ils voient déjà que la sensation agréable se transforme en sensation désagréable, il voit également qu'il y a dans leur esprit le désir de changer de posture. Ceci, c'est le résultat de l'attention. Il y a deux réalités. la réalité conventionnelle et la réalité ultime. La réalité conventionnelle, c'est par exemple un homme, une femme, un bhikkhu, un intendant, etc. La réalité ultime, c'est nama et rupa. Nous ne pouvons comprendre la réalité ultime que si nous pratiquons attentivement la méditation vipassana. Le Bouddha nous dit qu'il n'y a pas d'entité permanente à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, il n'y a que nama et rupa. Et ces nama et rupa, esprit et matière, changent à chaque instant. Parce que ces nama et rupa changent à chaque instant, ils sont souffrance. Dès qu'il y a contact sensoriel par l'un ou l'autre des six sens, il y a changement. Mais si nous n'avons pas l'attention ininterrompue, il ne sera pas possible de réaliser cela. Pour réaliser le changement qui se produit à chaque contact sensoriel, à chaque instant, il faut obligatoirement pratiquer attentivement Vipassana. Dès que le méditant aura atteint un niveau suffisant de compréhension, de sagesse, il sera en mesure de voir que le changement se produit à chaque instant dès qu'il y a contact sensoriel. Pour voir clairement, à fond, complètement, nous devons pratiquer la méditation de façon assidue. Nous devons être constamment attentifs aux contacts sensoriels, quelle que soit la porte par laquelle ils ont lieu. Nous ne devrons pas nous contenter d'être attentifs à l'abdomen. Nous devrons également être attentifs aussi aux contacts sensoriels. Vous êtes attentifs au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Et subitement, vous voyez quelque chose. Vous devez immédiatement noter « voir ». Si vous entendez quelque chose, vous devez noter « entendre ». Si vous sentez une odeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous devez noter « sentir ». Lorsque vous mangez, vous devez également être très attentif et noter. Lorsque vous touchez quelque chose, vous devez être très attentif et noter « toucher ». Et lorsque vous pensez, il faudra également être très attentif et noter « penser ». Si vous réussissez à noter attentivement tous les contacts sensoriels, vous verrez à fond, complètement, vous comprendrez directement par vous-même que les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, nama et rupa, changent à chaque instant. Lorsque vous notez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous voyez clairement ces mouvements. Mais au début, votre attention n'est pas encore très développée. Vous notez soulèvement, abaissement, mais vous ne voyez pas les détails de ces mouvements. Vous n'êtes capable de voir que la partie la plus proéminente, c'est-à-dire la partie centrale. Vous ne voyez pas le mouvement de soulèvement qui débute, vous ne le voyez pas se terminer. Vous notez simplement soulèvement, sans voir ni le début ni la fin. Et c'est la même chose pour le mouvement d'abaissement. Au début, vous ne voyez pas ce mouvement débuter, vous ne le voyez pas se terminer, vous notez abaissement et vous observez quelque chose de très général. Ceci est dû au fait que votre attention n'est pas encore assez forte. Dès que le méditant sera devenu capable de suivre le mouvement attentivement, la confiance va se manifester. Plus la confiance se renforce, plus son attention se développe. Il voit de mieux en mieux le mouvement. Il est capable d'attraper le mouvement de soulèvement à son début. Il le voit se développer progressivement jusqu'à ce qu'il se termine. Le méditant est même capable de ressentir des sensations, comme par exemple de la douceur, de la tension, des pressions. S'il est capable d'expérimenter tout cela, de voir tout cela très clairement, c'est parce qu'il observe très attentivement. Vous n'allez cependant pas réussir à rester toujours attentif au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen parce qu'après quelque temps, il y aura des pensées. Les pensées vont se manifester dans votre esprit. Mais si vous êtes attentif, vous les verrez. Lorsque l'attention n'est pas assez développée, le méditant ne voit pas les pensées, il ne les note pas. Elles vont interrompre sa pratique. C'est ce qui se passe au début, lorsque l'attention n'est pas encore très développée. Mais après quelque temps, lorsque l'attention sera devenue plus forte, le méditant est capable de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et lorsque les pensées apparaissent dans son esprit, il les voit immédiatement. Il est capable de les noter très rapidement. Les pensées ne vont plus interrompre sa pratique. Les pensées deviennent des objets d'attention. Le méditant, qui a donc développé sa pratique, est capable de noter les pensées de la même façon qu'il note les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vipassana, c'est noter tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Le méditant, à ce stade, est devenu capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et lorsque les pensées se manifestent, il est capable de les noter immédiatement. Il voit clairement. Vous notez donc à ce stade très attentivement. Vous avez ce que l'on appelle l'attention ininterrompue. À chaque instant, vous êtes capable de noter. Et vous voyez de plus en plus clairement. Que veut-on dire lorsqu'on parle de voir clairement? Lorsque vous observez le mouvement de soulèvement, vous voyez que ce mouvement se produit par étapes successives. À chaque instant, le soulèvement apparaît pour disparaître l'instant d'après. Il y a une succession d'apparitions et de disparitions du mouvement de soulèvement. Les yogis expriment cela de façon différente. Ils parlent parfois de segments, parfois de stades. Quoi qu'il en soit, un yogi qui est capable de ressentir que le mouvement se produit par segments successifs détient la compréhension, il voit clairement. Le mouvement d'abaissement également ne dure pas. À chaque instant, ce mouvement apparaît pour disparaître l'instant d'après. Le yogi comprend l'impermanence. Et s'il comprend l'impermanence, c'est parce qu'il a développé son attention. L'attention est donc très importante. Votre attention est donc devenue puissante, aiguisée. Grâce à cette attention aiguisée, cette force de l'attention, vous devenez capable de percevoir les sensations subtiles dans le corps tout entier. Vous voyez très clairement le changement à ce stade. Je vous ai donc expliqué comment vous en arrivez à voir très clairement le changement au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous êtes capable de voir cela dans les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous serez capable de voir ce changement dans tous les autres objets. Vous verrez très clairement les apparitions et disparitions au moment où vous entendez, au moment où vous voyez, où vous sentez, etc. Vous comprenez que ces changements constants dans le corps et dans l'esprit sont une espèce de souffrance. Ce type de souffrance est appelé Sankhara Dukkha. C'est le changement constant de Nama et de Rupa. C'est donc Sankhara Dukkha, la souffrance due aux formations. Un yogi qui est très attentif comprend Sankhara Dukkha. Mais il faut pour cela qu'il pratique assidûment. Il ne devra pas changer de posture, car s'il change de posture, il interrompt l'attention. Tout ceci ne sera pas possible au début. Il faudra s'entraîner. Au début, le méditant change relativement souvent de posture, peut-être 2 ou 3 fois par séance. Mais à force de s'entraîner, il ne changera plus qu'une ou deux fois, Et finalement, il sera capable de rester assis sans bouger pendant toute la séance. Son attention se sera renforcée, elle sera devenue une véritable force. Il aura surmonté les empêchements qui ne se manifesteront plus dans son esprit sera devenu très clair. Il pourra alors réaliser l'esprit et la matière, il pourra réaliser les causes et les effets. Et il pourra réaliser tout cela très clairement, quel que soit l'objet qu'il observe, les mouvements de l'abdomen ou tout autre contact sensoriel. À ce stade, vous comprenez clairement, votre esprit est très ferme, il a mûri, vous vous sentez calme. Vous comprenez également que c'est une chance d'être entré en contact avec l'enseignement du Bouddha. Vous vous sentez très serein avec votre attention. Vous n'avez plus aucun doute. La confiance est devenue très forte. Et tout cela est dû au fait que vous avez expérimenté par vous-même ce que le Bouddha a annoncé. Tout est impermanent. Cette impermanence fait souffrir et les phénomènes sont tous insubstantiels. Il n'y a pas d'entité permanente à l'intérieur de soi. Vous avez expérimenté tout cela par vous-même dans votre méditation. Cela fait surgir la confiance. La confiance va elle-même faire surgir la foi dans le Dhamma. Vous comprenez comment il est possible de devenir un être noble, un Arya. Si vous parlez de ces trois types de dukkha à un non-pratiquant, il ne comprendra pas. Il va se demander de quoi vous voulez parler. Mais si vous en parlez à un pratiquant, il sera très intéressé. C'est le bénéfice de Vipassana. Je vous ai donc parlé ce soir des trois types de dukkha. Dukkha-dukkha, la souffrance intrinsèque. Parinama-dukkha, la souffrance due au changement. Et Sankara-dukkha, la souffrance due aux formations. Je vais terminer mon enseignement par la récitation des mots pali. So please repeat after me. Dukkha, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara, dukkha. Sankhara, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara, dukkha. Dukkha, dukkha. Viparinama, dukkha. Sankhara, dukkha. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous être capable de méditer de façon assidue et ardente. Puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma et atteindre Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently, ardently. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.